Gros chat, la neige fond sur les toits, c'est le printemps. Oui. Je vais te dire ce qu'on va faire. Tu as besoin de te fixer quelque part, et comme t'as un enfant... Eh ouais. Il faut que tu aies un mari pour couper court à tous les ragots. Alors, avec beaucoup de prudence, je me suis mis en quête d'un mari pour toi. J'en ai trouvé un, gros chat. Je me suis entendu avec une femme qui a un fils juste de l'autre côté de la montagne. Une petite ferme. Elle est d'accord. Mais moi, je peux épouser personne, moi. J'attends si mon chat, ça va. Bien sûr, on a tout prévu. Ce qu'il te faut, c'est pas un mari dans ton lit, mais un mari sur le papier. C'est un mari comme ça que j'ai trouvé. Le fils de cette paysanne avec qui je me suis mis d'accord. Et sur le point de mourir. Magnifique, non? Épousé d'amiral. Et tout s'agence comme nous l'avons dit, un mari de l'autre côté de la montagne. Tu arrives chez lui, il lâche son dernier râle, et te voilà veuve. Qu'est-ce que tu dis de ça? Un papier, avec un tampon dessus, ça me serait bien utile pour Michel. Un tampon, ça change tout. Même le chat de Perse pourrait pas dire que les chats de Perse sont tampons. Et en plus, t'es casé. Pourquoi elle fait ça, cette paysanne? Pour 400 piastres. D'où tu les sors? Les économies d'Anico, sur la vente du lait. Là-bas, personne ne nous connaîtra. Bon, je suis d'accord. Je vais tout de suite avertir la paysanne. Ah, Michel, Michel. Tu m'en causes des ennuis. Je t'ai racolé, moi. Comme le poirier racole les moineaux. C'est parce que le bon chrétien se baisse toujours pour ramasser le crouton de pain qui traîne par terre afin que rien ne se perde. Ah, j'aurais mieux fait de prendre mes jambes à mon cou, moi, ce dimanche de Pâques à Nouka, Michel. Maintenant, je suis l'imbécile de service. Quand survint la fiancée, le fiancé agonisait. La mère du fiancé piétinait à la porte. Il fallait faire vite. La fiancée amenait avec elle un enfant. Le témoin se chargea de le cacher pendant la cérémonie du mariage. Vite, vite! Ou il va nous claquer dans les pattes avant la bénédiction nuptiale! Mais qu'elle amènera un enfant? Il n'en a jamais été question! Qu'est-ce que ça peut faire? Ça lui est bien égal à lui dans l'état où il est! À lui? Mais moi, une honte pareille! Je n'y survivrai pas! Nous sommes des gens convenables! Mon Youssouf n'a pas mérité d'en épouser une qui a déjà un enfant! Bon, j'allonge encore 200 piastres! Et la ferme te revient, c'est convenu par écrit. Mais elle, elle a le droit d'habiter ici pendant 2 ans. Ça couvre à peine les frais de l'enterrement. J'espère qu'elle sera vraiment une aide au travail. Mais où est donc passé le moine? Il m'a filé entre les pattes. Il a dû se glisser par la fenêtre de la cuisine. On va voir tout le village sur les reins si ça se sait que Youssouf est en train de passer. Oh là là, mon Dieu! Je vais aller le chercher. Mais faut pas qu'il voie l'enfant. Je m'arrangerai pour qu'il ne le voie pas, mais enfin... Pourquoi avoir pris un moine et pas un prêtre? Ça se vaut! Seulement j'ai le temps de lui payer la moitié de sa commission avant la cérémonie! Il va aller la boire au cabaret! Oh! J'espère que... Elle a fait l'économie d'un prêtre! Lamentable, elle a été prendre un pouilleux moine! Tu m'en verras, Simon Chachavin, si jamais il arrive chez vous. Oui. Tu veux pas regarder de quoi il a l'air? Il bouge pas! Mais alors pas du tout! Oh, j'espère qu'on n'est pas arrivé trop tard. Et voilà! Un peu de patience, je vous prie. La fiancée de mon fils est arrivée de la ville et il va être procédé à un mariage d'extrême urgence. J'en étais sûre que tu l'avais abandonné partout. On peut procéder tout de suite à la cérémonie. Voilà le contrat. Moi et le frère de la fiancée, nous sommes les témoins. Acceptes-tu d'être pour ton époux une bonne épouse fidèle et obéissante et de lui rester attachée jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Et toi, acceptes-tu d'être pour ton épouse un bon époux et de veiller seule jusqu'à ce que la mort vous sépare? Et toi, acceptes-tu d'être pour ton épouse à bout? Je vais jusqu'à ce que la barbe s'épeut. Naturellement qu'il accepte. Tu n'as pas entendu le oui? Bien. Yeah. Nous déclarons donc le mariage conclu. Et pour l'extrême onction, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Le mariage m'a déjà coûté assez cher. Il faut maintenant que je m'occupe des gens qui sont venus veiller le mort. On avait bien dit 700 piastres. 600. Et je veux pas m'asseoir en compagnie des invités, je tiens pas à me faire des relations parmi ces gens-là. Alors adieu, gros chat. Et si ma sœur, une fois veuve, vient me rendre visite, je te promets que ma femme t'accueillera comme il faut, ou alors je me fâche. On peut demander qu'est-ce que c'est que cet enfant? Un enfant? Où ça? Je vois pas d'enfant. Toi non plus, tu n'en vois pas. Compris? Sans ça, je pourrais avoir vu pas mal de choses, moi aussi. Derrière le cabaret! Allez, viens! Voici ma belle-fille! Elle est arrivée à temps! Notre cher Youssoup est encore en vie! Un an qu'il est couché, n'est-ce pas? Le jour qu'ils ont enrôlé mon Vassili et qu'on lui a fait nos adieux, Youssoup était encore parmi nous! Avoir le maïs sur pied, le fermier au lit, y a rien de pire pour une ferme. Il a bientôt fini de souffrir. Dieu merci, ce sera une délivrance, c'est moi qui vous le dis. Et dire qu'au début, on croyait qu'il restait couché pour pas partir à l'armée, vous vous rendez compte? Mais c'est qu'il est en train de penser pour finir! Asseyez-vous, je vous en prie! Et prenez quelques gâteaux! Il y a un gosse, vous dites? Mais comment est-ce que ça bien peut arriver à Youssoup? En tout cas, elle aura eu de la chance de pouvoir encore se marier s'il est vraiment si mal que ça. Les cancans vont déjà bon train. Avec ça, ils vont m'engloutir tous les gâteaux de l'enterrement. S'il meurt pas aujourd'hui, faudra que j'en fasse d'autres demain. Je les ferai. Figurez-vous qu'hier au soir, j'entends des cavaliers passer. Je sens pas ce que c'est, je rentre et je le trouve là. Raide comme un mort. C'est pour ça que je vous ai envoyé chercher. Il en a plus pour bien longtemps. Chers amis, combien veut ça de noces et de funérailles? C'est dans l'émotion que nous voici rassemblés autour d'un lit de mort et de noces. Car la femme monte à l'hôtel dans des colonnes de sang sous la terre. Déjà le marié a fait la toilette des morts, déjà la mariée a fait sa toilette de nuit. Et tout est possible, c'est en creux de l'inuptial où j'ai l'aiguillon d'une dernière volonté. Volupté. Oh. Chers amis, comme elles sont dissemblables les destinées des hommes. La mère afin de s'assurer un toit au-dessus de la tête. L'autre se marie de façon que sa chair retourne à la poussière d'où elle était tirée. Amen. Ils se vengent. C'est ma faute. Quand on en prend un bon marché, il vaut pas cher. Quand je suis allée le chercher au cabaret, il faisait un discours. Il braillait. La guerre est finie. Redoutez la paix. Rentrons. Tiens, mange ce gâteau, Michel, et tiens-toi sage. On est devenus des gens respectables. Qu'est-ce que vous venez faire ici avec ces instruments? Eh bien, c'est le frère Alassane. Il nous a dit qu'il y avait une noce ici. Hein? Tu veux m'en coller encore trois sur le dos? Savez-vous qu'il y a un mourant couché de l'autre côté? La tasse a de quoi séduire un artiste. Ils ont le choix. Ou bien de leur subsalon mineur, ou bien de danse funèbre à tout casser. Allez-y, jouez au moins. De toute façon, on ne pourra pas vous empêcher de manger. L'accordéon dira petit enfant qui piaille. Et si la mariée ouvrait le bal? Bal musette ou bal d'escalette? Mademoiselle Curon, elle a pris un vieux mari. Elle dit le mariage, y'a pas mieux que ça, y'a pas mieux que ça, y'a pas mieux que ça, non y'a pas mieux, y'a pas mieux, non y'a pas mieux que ça. Et quand elle a des envies, elle se fait passer avec le contrat, avec le contrat, avec le contrat. Mais ça ne vaut pas un cierge, ça ne vaut pas, ça ne vaut pas, ça ne vaut pas un cierge, ça ne vaut pas. On dit que le grand-duc est de retour. Oui, mais les princes sont contre lui. Oui, mais le chat de Perse lui a prêté toute une armée, paraît-il, pour qu'il rétablisse l'ordre en Géorgie. C'est pas possible. Voyons, le chat de Perse, c'est l'ennemi du grand-duc. Oui, mais c'est aussi l'ennemi du désordre. En tout cas, la guerre est finie. Nos soldats commencent à rentrer. Tu te sens mal? C'est à cause du pauvre Youssoup, ça t'a remué. Assieds-toi et repose-toi, ma chérie. Maintenant, tout va redevenir comme autrefois. Sauf que les impôts vont se mettre à gratter. Une guerre, ça se paye. Qui a dit que les soldats sont de retour? Moi. C'est pas possible. Montre le châle. On l'a acheté à un soldat, il vient de Perse. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne t'occupes plus de nos hôtes? Les bêtises qui circulent en ville, on n'a rien à en faire. On peut acheter aux soldats des sales personnes. Il y en a qui les échangent contre des béquilles. Les généraux, la moitié ils la gagnent, la moitié ils la perdent la guerre, tandis que les soldats, ils la perdent tous. Au moins la guerre est finie, c'est déjà ça. Maintenant ils pourront plus vous engager dans l'armée. Ce qu'il nous faudrait, c'est encore 2 semaines de bon temps. Les poiriers n'en donneront presque rien cette année. Prenez encore un peu de gâteau. Régalez-vous, il y en a d'autres. Combien de temps tu vas encore leur tomber la gueule de gâteau? Mais tu crois que je suis de l'or par hasard? Ils ont bien dit que la guerre était finie. Notre dame aurait tel quelqu'un à la guerre. Ils reviennent, ça c'est une bonne nouvelle. Pas besoin d'ouvrir des yeux pareils, où est la créature que tu m'as collée pour femme? Funérailles, ça vous plaît, allez, on se dort, je sors un coup de bâton. Et ça bouleverse les calculs, hein. Oh, confusion. L'épouse découvre qu'elle a un mari. Le jour, il y a l'enfant, la nuit, le mari. Le bien-aimé marche jour et nuit sur les routes. Les époux se toisent, la chambre est exiguë. C'est son travail à elle, pas le tien. Où est-ce qu'elle est encore passée? Au champ! Le fermier demande après toi! Il reste encore 2 trous là, Michel. Recommande-les! Récure-moi le dos. On peut pas le faire soi-même. On peut pas le faire soi-même. Apprends la brosse, ton chien, tu es ma femme. Ou tu es une étrangère. Trop froid. Je cours chercher de l'eau chaude. Non, laisse, j'y vais. Toi, reste là. Et frotte. Alors, plus fort. Et pas besoin de te détourner comme ça. C'est tout de même pas la première fois que tu vois un type tout nu. Ton fils n'est pas né d'un courant d'air. Michel n'est pas un enfant du plaisir, si c'est ce qu'on veut insinuer. On dirait pas à te voir. Ah, c'est une belle acquisition que tu m'as collée là. Mais c'est pas une femme, c'est un rançon. C'est la bonne volonté qui manque. Verse, mais doucement. Ah, j'ai dit doucement. Ça m'étonnerait bien si tu avais pas eu des histoires à la ville. Et là, je ne dis encore rien, hein. Les papis Péon non plus, à propos de ce bâtard que tu m'as amené à la maison. En ce qui concerne toi, moi, j'arrive au bout de ma patience, c'est contre nature. Encore? Même s'il revenait, ton soldat fait une femme mariée. Oui. Mais ton soldat ne reviendra plus, ne te fais pas d'illusions. Non. C'est de l'escroquerie. Tu es ma femme et en même temps pas ma femme. Ta place au lit, c'est une place vide. Et pourtant, une autre femme ne peut pas l'occuper. Moi, à l'aube, quand je vais au champ, je suis crevé de fatigue. Le soir, quand je me couche, j'ai le diable au corps. Dieu t'a fabriqué un sexe. Pourquoi faire? Mon champ ne rapporte pas assez pour que je puisse me payer une femme en ville, sans parler des frais pour y aller. Ta femme, sarcle le champ et écarte les cuisses. C'est ce que dit l'almanach chez nous. Tu m'entends? Oui. Je trouve pas ça bien, hein, de t'escroquer. Tu trouves pas ça bien? Allez, verse. Ah! Quand au bord du ruisseau, elle lavait le linge, elle voyait dans l'eau l'image du fiancé et le visage pâlissait d'une lune à l'autre. Quand elle se relevait pour tordre le linge, sa voix lui parvenait de l'érable fouetté par le vent et la voix faiblissait. D'une lune à l'autre, Fourfillants et soupirs se multipliaient, la sueur et les larmes coulaient. D'une lune à l'autre, l'enfant grandissait. Voilà. Tu peux aller jouer avec eux, Michel, mais te laisse pas commander par n'importe qui sous prétexte que t'es le plus petit. Hein. C'était un gros chat, Varnatsé. Simon ! Je souhaite le bonjour à la demoiselle et bonne santé. Je souhaite le bonjour à monsieur le soldat. Et Dieu merci, le voilà revenu. Sain et sauf. Ils ont trouvé des poissons meilleurs que moi, disait le hareng. Alors ils ne m'ont pas mangé. De la bravoure, disait le marmiton. De la chance, disait le héros. Et ici, comment ça va ? L'hiver a été supportable, les voisins prévenants. L'hiver a été assez rude, Simon, et les voisins comme toujours. Peut-on demander si une certaine personne a encore l'habitude de tremper sa jambe dans l'eau quand elle lave le linge? La réponse est non, à cause des yeux, dans les buissons. Soldat, a dit la demoiselle, c'est un sergent payeur qui se tient devant elle. Ça fait 20 piastres, non? Plus le logement. Derrière la caserne. Sous les dattiers. Exactement. Je constate qu'on y est allé voir. Il est allé. Et on n'a pas oublié. Ainsi la porte tourne toujours sur ses gonds, comme on dit. Alors quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne pourrai plus jamais retourner à Nouka. Si mon chat Chava, il est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben voilà. J'ai assommé un garde noir. Groucha Varnadze devait avoir une bonne raison pour faire ça. Et puis, si mon chachaveur, je m'appelle plus comme je m'appelais. Je ne comprends pas. Et quand est-ce que les femmes changent de nom? Je vais t'expliquer, Simon. Entre nous, il n'y a rien de changé. Tout est exactement pareil entre nous. Il faut que tu me croies. Rien de changé et tout est changé. Comment est-ce que c'est possible? Et comment veux-tu que je t'explique ça si vite? Avec ce ruisseau entre nous. Allez, traverse la passerelle. Simon, il vient. Ça ne vaut peut-être plus la peine. Mais si, ça vaut la peine. Allez, traverse la passerelle. Simon, vite. La demoiselle veut dire qu'on est arrivé. Trop tard. Tant de maudits, tant de mots retenus. Le soldat est revenu d'où il vient, il ne le dit pas. Voici ce qu'il pensait, il ne disait pas. La bataille commença au lever du jour, devint sanglante à midi. Le premier tombait mort devant moi, le second tombait mort derrière moi, le troisième à côté de moi. Sur le premier j'ai marché, le second je l'ai laissé, le troisième capitaine de la transpercée. L'un de mes frères est mort par le fer, un autre frère est mort par une fumée. De feu il me frappait la nuque, mes doigts se gelaient dans les gants. Mes pieds dans les bottes, j'ai mangé des bourgeons de tremble, j'ai bu du bouillon d'érable, j'ai dormi sur des pierres, dans l'eau. Je vois un bonnet dans l'herbe. Y aurait-il déjà un enfant? Oui, Simon, y en a un. Je vais pas essayer de te le cacher, mais te tourmente pas. S'il te plaît, c'est pas le mien. Quand le vent se met à souffler, dit-on, il souffle par toutes les fentes. Madame n'a pas besoin d'ajouter un mot. On a souffert. On n'a pas attendu. Le serment est rompu. Pourquoi? On le garde pour soi. Voici ce qu'elle pensait et ne disait pas. Pendant que tu te battais, soldat, dans cette bataille sanglante, cette amère bataille, j'ai trouvé un enfant, moi. Il était sans défense, je n'ai pas eu le courage de le laisser là. Il fallait ramasser la miette de pain qui traînait par terre, se mettre en quatre pour cet être qui n'était pas à moi, un étranger. De l'aide, il en faut. Car son eau, il la veut, le petit arbre. L'agneau s'égare si le berger dort. Et personne n'entend son cri. Rends-moi la croix que je t'ai donnée. Ou plutôt non. Jette-la dans le ruisseau. C'est bon, ce chava. T'en vas pas. C'est pas le mien. C'est pas le mien. C'est toi, Groucha. C'est ton enfant. Oui. C'est bon. En l'encontre du tribunal. On doit ramener à la ville cet enfant en tient la garde. Vu qu'il y a présomption de fait qu'il s'agit de Michel Abachvili, le fils du gouverneur Georgi Abachvili et de sa femme, Natella Abachvili. Tiens, voilà le papier avec le cachet. Laissez-le ! Je n'en sais plus ! Les gardes noirs enlèvent l'enfant, l'enfant si cher. La malheureuse les a suivis jusqu'à la ville si dangereuse. La mère, selon la chair, demandait qu'on lui rende l'enfant. La mère nourricière se retrouva au tribunal. Qui va trancher le cas? À qui reviendra l'enfant? Le juge sera-t-il bon? Sera-t-il mauvais? La ville était en flammes. Au tribunal siégeait. Attaque! Voici maintenant l'histoire du juge, comment il devint juge, comment il rendait ses arrêts, quelle sorte de juge c'était. Ce dimanche de Pâques, jour du grand soulèvement où le grand-duc fut renversé, et où le gouverneur Abachvili, le père de notre enfant, perdit sa tête, Azak, l'écrivain de village, trouva dans les bois un fugitif et le cacha dans sa cabane. Cesse de t'ébrouer, tu n'es pas un cheval. Et partir comme un paix, ça n'arrange pas tes affaires avec la police. Du calme, je te dis, viens, c'est là. Entre. Assis. Et cale-toi les joues. Voilà un morceau de fromage. Longtemps que t'as pas bouffé, hein. Pourquoi tu cavalais comme ça, trou du cul? La police t'avait même pas repéré. Fallait. Les chaudes côtes, la chiasse, la peur. Non mais fais pas tant de bruit en marchant, on dirait un grand-duc ou un cochon, c'est pas tenable. Un saligaud de la haute, il faut le supporter tel que Dieu l'a créé, mais toi, non. Je connais un juge à la Cour suprême, au cours d'un repas au Grand Bazar, il s'est mis à péter pour prouver son esprit d'indépendance. Quand je te regarde manger, il me vient des idées épouvantables. Mais pourquoi tu ne pipes pas mot? Monte ta main. T'es sourd, je te dis de me montrer ta main. Blanche. Alors t'es pas du tout un mendiant, hein. Un faux jeton, hein. Une imposture ambulante, hein. Et moi qui t'offre une cachette comme si t'étais une personne respectable. Pourquoi tu te sauves si t'es un gros propriétaire foncier? T'en es un, inutile de nier, ton visage sue la culpabilité. Allez, dehors. Mais qu'est-ce que t'attends, un farmeur de paysans? Poursuivez. Paye à m'accorder attention, proposition à faire. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Une proposition? Alors ça, c'est le comble de l'impudence. Monsieur fait une proposition, le sang de sa victime coule encore et la sangsue fait des propositions. Dehors, j'ai dit. Point de vue cohérent, évidente conviction. Paye 100 000 piastres par nuit, d'accord? Quoi? Tu t'imagines que tu peux m'acheter pour 100 000 piastres le prix d'un malheureux petit château de campagne? Disons 150 000. Où sont tes piastres? Pas sur moi, évidemment. Envoi ultérieur. Ferme espoir. Aucun doute à moi. Les pires doutes dehors. Je suis occupé. Qu'est-ce que t'as affiné par ici, chauve? Tu as encore attrapé un lièvre, Attac. Tu m'avais promis de ne pas recommencer. Ne parle pas de ce que tu connais pas, chauve. Le lièvre est un animal dangereux et nuisible qui ronge la végétation. En particulier ce que l'on appelle à tort la mauvaise herbe. Il convient donc de le détruire. Ne sois donc pas si dur avec moi, Attac. Si je ne te dresse pas un procès verbal, je perds ma place. Je sais bien que tu as bon cœur. Non, je n'ai pas bon cœur. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Je suis un homme de pensée. Je sais, Attac. Tu es un type supérieur, tu le dis toi-même. Alors moi qui suis un chrétien et un ignorant, je te pose la question. Si quelqu'un vole un lièvre au prince, et si je suis policier, qu'est-ce que je dois faire du délinquant? Chauvin, t'as pas honte, hein? Tu es là à me poser une question. Et y a rien de plus séduisant qu'une question. Comme si t'étais une femme, tiens. La Nounovna, par exemple. Cette mauvaise créature qui exhiberait sa cuisse, la Nounovna, et me demanderait qu'est-ce que je dois faire de ma cuisse? Elle me démange. Est-elle innocente comme elle en a l'air? Non! Bon, moi, j'attrape un lièvre, mais toi, tu attrapes un homme. L'homme est fait à l'image de Dieu, le lièvre. Non! Et tu le sais bien, moi, je suis un lièvre ophage, mais toi, tu es un homme trop ophage, Chauvin. Et Dieu en jugera. Rentre à la maison, Chauvin, et repens-toi.